sont arrivés le 14 à Pyongyang par avion et train pour participer au 20e championnat du monde de taekwondo. Les équipes et délégations de divers pays et régions, notamment Groenland, Grenade, Pays-Bas, Roumanie, Madagascar, Malaisie, Barbade, Écosse, Jamaïque, Hong Kong de Chine, Taipei de Chine, Finlande, France, Serbie, Irlande, Australie, Autriche, Italie, Angleterre et Espagne. Auparavant, sont arrivées celles de divers pays comme Danemark, Singapour, Émirats arabes unis et pays de Galles.